Je suis pas à proprement parler ce qu'on appelle un maniaque. Hein. Bon. Simplement, j'aime que tout brille et que tout soit bien rangé. La première chose que je fais quand je rentre à la maison, c'est de me servir un thé citron. Je me verse moi-même le thé, hein, bien au milieu du bol. Le sucre doit être vertical, sinon c'est le bordel. Hein. Ensuite, je range, je jastique tout. Je range mon bureau, je range les chiens, je range les gosses, et jastique le zèbre. Oui, j'ai toujours eu des zèbres. J'aime beaucoup les zèbres. Les rayures sont bien parallèles. J'aime que tout soit bien parallèle. Je n'apprécie rien tant que cet instant trop éphémère, hélas, où ma montre à quartz indique 11h11. Quelquefois, j'ai un orgasme jusqu'à 12. D'une façon générale, j'aime que l'on soit à l'heure. Je dois dire que ce soir, vous m'avez déçu. Mon ami, le regretté ministre Robert Boulin, et moi-même avions en commun cette obsession de la ponctualité. Je l'entends encore, il disait toujours « Je suis dans les temps, je suis dans les temps, je suis dans les temps. » Tous les samedis soirs, à 22h15 précise, je range ma femme dans le lit conjugal et je la stique jusqu'à la nuit. Mais je dois dire que notre harmonie sexuelle n'est pas une réussite. C'est une femme qui ne parvient pas toujours à conserver les jambes bien parallèles. Et... ludiquement parlant, cela me désoblige. C'est une femme très bordélique, pour tout dire. Notre dernier pique-nique, la semaine dernière, s'est très très mal terminé. Elle voulait repartir sans avoir rangé la clairière, elle voulait pas plier les pots de saucisson, elle voulait pas plier les pots de banane, elle voulait pas plier l'herbe. Elle voulait même pas plier ma tante Emma qui est paraplégique et qui, par conséquent, ne peut pas se plier toute seule. Hein? J'avais beau lui dire, écoute, Suzanne, t'en vas pas comme ça. Ne me quitte pas, il faut tout plier, tout peut se plier. Tu t'enfuis déjà. Ça va? Que voulez-vous, j'aime l'ordre. Chez moi, c'est un besoin de clarifier les choses dans ma pauvre tête de perturbée congénitale. Oui, je suis très perturbé, j'ai toutes les tares. Je suis dyslexique, je confonds les T et les F. C'est chiant. Et je suis gaucher contrariant. Oui, c'est plus fort que moi, j'emmerde les droitiers. Et ce ne sont là que les moindres de mes tares, il y a beaucoup plus grave. Je suis névrosé et psychotique. Ce sont deux désordres extrêmement perturbants quand ils cohabitent, pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Savez-vous seulement quelle différence il y a entre un névrosé et un psychotique? Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5 et qui en est pleinement satisfait. Alors qu'un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que 2 et 2 font 4. Et ça le rend malade. Ben moi qui suis à la fois névrosé et psychotique... je suis tour à tour ravi, mais absolument ravi à l'idée que 2 font 5. 4, pardon, oui. Ou alors déçu, mais je suis déçu quand je pense que 2 font 5, vous n'imaginez pas. Un jour, je me réjouis que les quadrilatères aient 4 côtés, le lendemain, je me désole à l'idée que les triangles n'en ont que 2. Alors, bien sûr, j'en ai parlé à mon psy, et mon psy m'a conseillé de tenter une expérience de thérapie de groupe. Oui, je dois dire que sur le moment, je n'étais pas très chaud. Ce genre d'exhibition publique comme ça me semble légèrement impudique. Hein. Si, c'est vrai, je suis un garçon très pudique. Comme mon ami Michel Droit, qui est exactement un peu comme moi. Michel Droit, vous n'imaginez pas à quel point cet homme est pudique. Quand il va aux chiottes, il éteint la lumière. Ah, bien sûr, des fois, il se gourre, il s'essuie la figure, bon... Ben... après, on dit qu'il a mauvaise haleine, mais c'est pas une mauvaise haleine. J'étais pas très chaud non plus pour l'expérience de thérapie de groupe, parce que c'est le genre de truc qui coûte cher. Hein. Et là, je fais très attention. Hein. Oui, je vous ai pas dit, mais mon argent aussi est très bien rangé. On évalue ma fortune actuelle à 1 111 111 francs. C'est un bon chiffre, et je m'y tiendrai aussi vrai que 2 et 2 font... 4. Alors, mon psy m'a dit... mais non, pauvre enculé, nous sommes très liés. Hein. Mais non, pour ton expérience de thérapie de groupe, imbécile, donne-toi un spectacle. Comme ça, c'est toi qui seras payé. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai prié de venir tous ici ce soir pour me regarder faire mon intéressant. Bonsoir.